dum day, da da di du dum day. Dans la cohue de la salle des pas perdus, elle courait après son train du soir. Je l'attendais depuis déjà tant d'années, le temps d'y croire, elle m'avait échappé. Elle était oh oh oh, et moi j'étais comme un fou. Elle était oh oh oh, on va se mettre à genoux. Les cheveux blancs, il y en avait plein les wagons, mais ce n'était pas ce que je cherchais. 6h36 en direction de son lit, et chaque tour de roue me répétait qu'elle était oh oh oh, et moi j'étais comme un fou. Elle était oh oh oh, on va se mettre à genoux. Dans ce train qui se traîne dans les forêts d'HLM, sous un ciel de fumée, elle se cache peut-être dans un coin fenêtre, mais comment la trouver? Moi j'étais comme un fou. Elle était oh oh oh, on va se mettre à genoux. Dans mon train qui s'envole, je vois les gondoles, les pigeons des palais. En gare de Venise, elle me donne sa valise, c'est comme si j'y étais. Et je n'y suis pas, j'ai la banlieue devant moi et une fille qui saute sur le quai. En gare de Sarcelles, temps de voir que c'est elle. Mon train repart et elle disparaît. Elle était et moi j'étais comme un fou. À se mettre à genoux. La-da-dee-doo-dum-dee. La-da-dee-doo-dum-dee.